d'un autre homme. Tu penses tout de suite au pire, te comportant comme un homme, malgré mes mots qui t'assurent. Sans aucune mesure, tu n'entends que les murmures de la voix odieuse de la démesure. À quoi tu joues comme ça avec moi? Mes pensées ne sont que pour toi. Arrête tout, écoute mon cœur, pour qu'il te libère enfin de tes peurs. Je resterai toujours à tes côtés, même si tes angoisses diminuent, noires comme sans blanche nos nuits, donne de la force à ton agressivité. Ce sentiment que l'on échange devrait pour suffit à calmer le feu t'empêchant de m'aimer, pour laisser à la douceur sa revanche. À quoi tu joues comme ça avec moi? Mes pensées ne sont que pour toi. Arrête tout, écoute mon cœur, pour qu'il te libère enfin de tes peurs. Wow.